théâtre sur Fadjet avec Julia et Rodolphe. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes sur l'émission sur la radio Fadjet 94.2 ou fadjet.net. Bienvenue à l'émission Coup de théâtre. Je suis Julia, co-présentatrice de cette émission et je suis accompagnée de Rodolphe. Bonjour Rodolphe, ça va bien ? Bonjour Julia, ça va très bien et toi ? Je suis ravie de te retrouver. Moi aussi. Et tous les mois, nous recevons un invité, un comédien, une comédienne de la région et aujourd'hui nous accueillons Yann. Salut Yann. Ça va ? Ouais, ça va. On a réussi à le dire. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, mais il n'y en a pas, je pense. Je suis Yann Berryer, comédien et directeur artistique de la compagnie Crash Text et du festival La Semaine de l'Impro à Nancy. Donc beaucoup d'impro. Vous vouliez plus ou non? C'était juste ça, résumé. On aura le temps durant l'émission de J'imagine de que ça prend beaucoup de ton temps déjà, ces deux choses-là. Ouais, mais il y a plein d'autres choses, Super, on va découvrir ça. Coup de théâtre sur Fadjet, le portrait de l'invité. Alors Yann, on va faire un petit portrait en mode portrait chinois. Je te donne des mots et tu me dis ce que tu pourrais être par rapport à ça. Par exemple, si tu étais un lieu. Si j'étais un lieu, clairement la pointe du rat. Voilà, je sais pas si vous voyez. On dit pas rat ouais. Non, on dit rat, la pointe du rat. Voilà. Ouais, c'est bien la pointe du rat, c'est quand même avec le Z. Pas, ça, c'est pas avec un Z, mais ça se dit rat. Voilà. Et pourquoi ? Parce que je suis de là-bas, en fait. Ah, et je pense que ça me définit bien, parce qu'on dit là-bas, les Bretons, il y a deux types de Bretons, quoi, les marins et les birniques, vous savez, ceux qui restent accrochés à leur petit coin. Et tu peux pas faire beaucoup plus loin que Nancy, là. Non. Mais du coup, je suis plutôt dans la catégorie marin, on va dire. Je bouge beaucoup. Si tu étais une catégorie d'improvisation ? Une catégorie d'improvisation, j'aimerais bien être la chanter, même si c'est pas forcément ma spécialité, mais... Tu nous prends, balèze, hein. On va te demander de chanter forcément. oui, voilà, non mais genre, en fait j'aime bien chanter, et après c'est les capacités qui vont avec, mais qui vont pas forcément. Voilà, mais... L'important c'est d'oser. Hein, c'est... Oui, si. Non mais je suis chanteur depuis quelques temps, je suis de temps en temps déclaré en tant que chanteur. Non, pas du tout. Mais on m'a demandé de chanter sur des trucs, je vous raconterai. Super, cool. Si tu étais le défaut dont tu aimerais te débarrasser ? Le défaut dont j'aimerais me débarrasser... Il y en a un paquet. J'allais dire, mais Yann Berryer n'a pas de défaut. Bah non. La prétention, alors. C'est ça, oui, c'est ça. On connaît pas tout. Ouais, je sais pas si c'est la prétention, mais je parle beaucoup. Ouais. Enfin, surtout quand j'ai... Voilà. Après une bière, je parle beaucoup. Et après le lendemain, je me dis, mais pourquoi t'as parlé autant ? Mais tu racontes des choses un peu gênantes ? Non, mais je refais vite le monde. Tu vois. C'est pas forcément un défaut. Mais si le monde était refait, ce serait une qualité. Mais tu sais pas t'arrêter ? Mais si, quand même, si, parce que j'ai le sommeil lourd. La fatigue te fait arrêter. Si tu étais un méchant de la vie réelle ou de la fiction ? Un méchant de la vie réelle. Un méchant qui parle de la fiction. Beaucoup, hein, le Dibu Martinez, le gardien de l'Argentine qui nous a défoncé. Je suis sûr, lui aussi il s'en veut maintenant. C'est pas un méchant, c'est un ennemi, quoi. C'est un adversaire. Non, mais il a été méchant. Tu crois vraiment qu'il s'en veut? Hein? Non, j'espère. Il kiffe sa vie. Il a été méchant. J'espère qu'il s'en veut. Si tu étais une boisson, le Tropico. Vous vous rappelez ça, le Tropico ouais. Là. Ah ouais, c'était bon, ça. Non, tu vois pas, t'es trop jeune. Quand c'est trop, c'est Tropico. Voilà. C'est pas du Pulco. Non, c'est un jus d'orange hyper chimique qu'on trouvait dans les bars, surtout. Ouais. Ah, c'est pas celui en sachet. Non, ça c'est Tang. Non, mais le Tropico, okay. ça tournait. Pareil, ça. Voilà, c'est mes origines. Si tu étais un spectacle que tu as vu auquel tu as participé. Alors, que j'ai vu ou que j'ai participé. J'adorerais être le spectacle s'appelle Pinocchio, qui est passé à Nancy l'année dernière. C'est la manif qui l'avait programmé et qui était incroyable. Pas du tout improvisé. Pas du tout improvisé, oui. La limite de la performance. Ça parle de plein de choses. Il y a de la danse, du théâtre, un peu de musique. C'est sur Pinocchio. Il y a des enfants qui jouent pendant le spectacle. Au début, ils sont enfants. Puis, on les fait devenir Pinocchio. Puis, du coup, bah, ils redeviennent enfants. Wow. Et ils dansent. Et tu ressors de là, il y a personne qui ressort en disant « Ouais, juste, ouais, c'est cool. » À la limite, tu peux ne pas avoir aimé. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a personne qui repart en disant « Ouais, ça m'a rien fait. » Oh, intéressant. Si tu étais la qualité que tu aimerais avoir, parlez-moi. c'est ça. Discret. J'aimerais être grand, je pense. C'est un truc physique. Ouais, je pense. Ok. Je pense que ferais quoi de plus? Ben, je verrais les crânes plutôt que regarde le mien. Tu pourrais prévenir des calvicies précoces. Non, tu sais, j'ai fait du volley pendant longtemps et du coup, ça a été un truc hyper bloquant, quoi. Mais t'étais le réceptionnaire. J'étais le passeur, ouais. Mais même comme ça, au bout d'un moment, ça bloque. Ok. Mais non, et puis ça doit être bizarre, une fast expérience, tu vois. Enfin, tu sais, tu passes des années à t'habituer à ta taille, à ton machin. D'un coup, ça doit être au moins une journée, voir ce que ça fait. Genre 20 cm de plus. Ouais, c'est ouais, tant qu'à faire. Il y a pas des opérations qui pas passer à 1m75. Des opérations. T'as grandi les tibias, c'est je crois. Ça. Bah si, on peut. Lionel Messi l'a fait ça. Oui, c'est vrai, très jeune. Si tu étais un gros mot ou une insulte. Putain, c'est vrai que ça y ressort souvent. Ok. Ouais, je suis désolé pour. C'est pas grave. C'est la question que j'ai posée. Si tu étais un thème d'impro. Un thème d'impro. Alors, pas un thème d'impro, mais il y a une phrase que j'adorais répéter quand je demandais au public. C'était « Donnez-moi le titre d'un livre que vous n'avez pas lu, car effectivement, il n'existe pas encore. » Ah, ok. Cool, cool, cool. J'adore l'idée. Voilà. Je ferais ça, je le prendrais. Les gens avaient trouvé des bonnes idées ? Ouais. Ok. Si tu étais un moment de la vie, ou de la journée, ou de la semaine, ou un moment. Le soir, très tard, je suis quand même un... Quand tu termines de parler. C'est ça. Après, la bière. C'est ça. Non, j'ai vraiment du mal. Je suis plutôt un octambule. Si tu étais un mime ou une manipulation effectuée en impro. On m'a dit un jour, plus un style de mime. On m'avait dit une fois, il y a longtemps, que j'étais un... que j'étais brouillon. Mais j'aime bien, du coup je l'ai gardé et je trouve ça très rigolo d'être un mime brouillon. Un mime brouillon. Tout est brouillon. C'était pas positif. Ce retour. Bah c'était pas positif mais c'était pas négatif parce que ça a un certain charme aussi, tu vois, de faire tes mimes brouillons. Brouillon mignon quoi. Ouais, voilà. Et pour terminer, si tu étais un improvisateur ou une improvisatrice, qui aimerais-tu être ? Quelqu'un de grand qui parle pas beaucoup, qui est mime brouillon. C'est ça. Non, j'ai énormément été influencé par le travail de Marco Mayerl. De là à dire que je voudrais être lui, on en est loin. On n'a pas de névrose encore. Hein. Non, tu vois, Marco, j'ai fait. Non, mais en tout cas, j'ai énormément été influencé par son travail. Donc je pense que c'est. C'était il y a combien de temps ça ? Depuis depuis ça fait quoi maintenant que on est en 2024, donc ça fait presque 25 ans maintenant que je fais de l'impro. Wow, okay. Et il a toujours eu il est un peu plus vieux que moi, mais il a toujours eu un temps d'avance ouais, quoi. Okay. À chaque fois quand je sentais un petit truc en me disant tiens j'aimerais bien faire ça, je regardais un peu ce qu'ils avaient fait du côté de Strasbourg, je disais bim. Enfin il l'a fait enfin qu'il meurt. Si tu le rattrapes, il va même mourir avant moi, tu vois, du coup ça se trouve alors. Salaud. Donnez-moi le couteau. Merci beaucoup, Yann. Je serai le premier. Merci beaucoup, Yann. Merci bien. On va écouter l'un de tes premiers choix musicaux et tu nous expliques ensuite pourquoi tu es attaché à cette chanson. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste? Le vent dans l'avenue, Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque. On avait fini notre jeunesse. On aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Mais nom de Dieu, que la puissance. Thank you. le recouvrant ce que l'on délaisse. La rue des Siam, c'est nuit d'ivresse, ce n'est pas par manque de politesse. J'ose l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe. Mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espace? Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Le nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Le nom de Dieu, que la pluie cesse. Je te laisse présenter cet artiste, Yann. Du coup, c'est Miossec, voilà, avec la chanson Brest, parce que c'est de là que je viens. À la fois, voilà, mais c'est vraiment mon village, c'est Plogoff du côté de la Pointe du Raz, comme je disais. Mais sinon, j'ai fait voilà, quasiment toutes mes études là, enfin mes études. J'ai fait ce primaire. Voilà, je sais plus comment on dit ça, enfin collège, lycée. Collège, lycée, c'est tellement loin. C'est ça. Non, et puis c'est à Brest que j'ai découvert l'impro. Okay. Voilà, c'est pas là que j'ai commencé, mais c'est là que j'ai découvert l'impro. Du coup, il y a déjà plein de choses qui se sont passées avec de l'impro là-bas. Et puis Miossec aussi, je pense Miossec, c'est un artiste qui m'a pas mal façonné quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup. Il est pas hyper drôle. Il a une sacrée voix. Mais du coup, voilà, ces chansons m'ont vraiment formé, je pense. Voilà, m'ont un peu modelé. Cool. Voilà, donc je vous invite à le découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Puis beau parcours en championnat, Brest. C'est un incroyable. Brest, c'est ouf. Incroyable, c'est ouf. Ça va aller en Ligue des Champions. Ça va aller en Ligue des Champions. J'ai joué quand j'étais gamin au Stade Brestois, quoi. Donc voir le Stade Brestois là maintenant. Et vu que je suis un peu lié aussi à la ville de Madrid. T'attends à Brest-Madrid. Brest, qui est favori? Brest-Real, mais jamais j'aurais pu imaginer qu'on puisse imaginer justement. C'est qui le 9 à Brest? Le numéro 9 à Brest. Alors en ce moment, la star du moment, c'est Lesmelou. Il s'appelle. Oui, ouais. Voilà. Il n'était pas à deux doigts d'être appelé par Deschamps. On change complètement de sujet. Son entraîneur a dit que ce serait bien, mais lui, il a fait non. Il y a du monde au milieu quand même. Mais bon, reprenons le cours de l'émission. C'est à côté de notre émission sportive. Souvenir. Ah oui, ça fait très peur, mais... Souvenir, exactement. Nous aimerions connaître l'un de tes meilleurs souvenirs sur scène, en tant qu'acteur, comédien, metteur en scène, enfin, un moment où tu t'es dit, je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Alors j'y ai pensé, hein, en vrai, parce que du coup, un petit peu... Il y a quelques heures, vous m'avez dit. Oui. Mais je pense que elle serait venue assez vite. Ce n'est pas une expérience sur scène, mais c'est en sortie de scène, on va dire. C'est pour le Trophée Culture et Diversité. Donc, il y a un genre de championnat de France des collégiens, on va dire, plus ou moins. Mm-hmm. En impro. D'impro, ouais, bien sûr. Et on avait un gamin. Au début, dans les spectacles, on est censé faire... des intra-collèges, donc c'est un spectacle au sein du collège et les autres du collège, après un inter où on joue les collèges du coin, tout ça, jusqu'à arriver à une sélection qui joue les finales nationales, voilà. Et il y avait un gamin, alors pour contextualiser, mais en soi je sais pas si ça a plus d'importance que ça, mais quand même, enfin si, parce qu'il était syrien d'origine, voilà, et au début il a pas joué le match intra. Parce que voilà, il pensait qu'il n'était pas à sa place, je sais pas, enfin voilà. Il faisait les ateliers, mais il a refusé le match. Ok. Voilà, ça l'impressionnait ou voilà, en tout cas, et finalement de voir que c'était cool, il a dit bon bah ok pour les autres étapes. Du coup, on l'a pris en inter et on l'a même pris voilà cette année-là, on faisait des finales régionales à la Manufacture à Nancy et la grande finale à la Comédie Française. Et... ça. Bim. Pouh. Voilà, et c'est... Mais parce qu'il le méritait, il était vraiment génial, et c'était incroyable. Et il y a toute sa famille qui est venue jusqu'à Paris le voir. Wow. Enfin, c'était un truc de fou. Et à la fin, en sortant après le spectacle, il vient me voir, il me tape sur l'épaule, il me fait « T'inquiète, hein, tu sais, je sais, c'est grâce à toi tout ça. » Wow. Et là, tu fais « La reconnaissance !» Et là, en effet, quand tu dis « Ah, je suis à ma place », c'est cool, quoi. Tu dis, parce que voilà, ouais. Pour sa famille, c'était un truc de fou. Enfin, et même nous, après, voilà, bon, vu qu'il est syrien en plus, je trouve que c'est tout un message en plus de dire en ce moment, bah voilà, regardez à la caméra. Voilà, si t'as envie, toi, si tu te donnes les moyens, bah, t'auras des gens pour t'accompagner et pour faire des belles choses ici jusqu'à venir à la Comédie Française. Quoi. Donc, ça, je pense que c'est un des plus beaux moments. Mais j'en ai plein, notamment avec le trophée. En 25 ans, j'imagine que. Oui, déjà, non, mais puis même avec le trophée, c'est un accélérateur de moments comme ça. Enfin, c'est incroyable, quoi. À chaque année, on découvre de nouveaux jeunes et c'est ouf, c'est dingue. Et donc, bah, je vais un peu casser l'ambiance qui était jolie, là. Ton pire moment, ou un de tes pires moments, où tu t'es dit, bah, j'aimerais bien pas être là. Le pire moment, on a eu un. Ne nomme personne. Non, parce que je me rappelle plus trop les prénoms, mais je sais que c'était quand même, on peut le dire, avec la Lolita de Strasbourg. Voilà. Joué là-bas. On avait joué parce qu'à l'époque il y avait un truc qu'on appelait le Canif, donc un championnat de France amateur. Et Strasbourg, je pense, ils en avaient un peu marre d'être les seuls dans le Grand Est, et ils nous ont demandé d'intégrer du coup le championnat. Ah ok. Et ce qui était super cool, mais nous on avait, on avait 2 ans d'impro quoi. T'étais dans quelle troupe toi à ce moment-là ? Improdisiaque. Improdisiaque, parce que tu es un des fondateurs d'Improdisiaque. Voilà, on avait fondé Improdisiaque, juste avant. Et d'un coup, direct, ouais. On se retrouve, alors qu'on avait zéro expérience, quoi. On était vraiment des branques. Et on arrive, du coup, à jouer à Strasbourg. Nous, on était tout fiers, tout contents, parce qu'on venait les voir jouer. Parce qu'on était vraiment débutants. Donc, on venait voir jouer la Lolita, qui était une compagnie réputée. Et d'un coup, jouer avec eux, on était tout fiers. Et sauf que la Lolita, bah, y a des différents niveaux. En fait, ils ont un championnat et voilà, et toutes les équipes n'ont pas forcément le même niveau. Je pense qu'on a rencontré une équipe qui, du coup, n'était pas de ceux qui avaient le meilleur niveau, mais nous ont vu arriver un peu comme débutants et on a senti tout de suite qu'il y a eu un... Vous en portez ? Bah, il y avait une petite compète qu'on n'avait pas imaginée. Nous, on venait voir comme ça et eux, ils se sont dit, et en plus, voilà. Ils ont pris de haut un peu. Ils nous ont pris un peu de haut et malheureusement, on a commencé mal. Et nous, on venait comme des petits cons. Ben c'est vrai qu'au début, on était vraiment des petits cons. Mais avec un grand plaisir, en fait, surtout d'être là, en fait. Et du coup, on a commencé à gagner. Et gagner des points dans leur match. Et on voyait qu'en face... Ça s'énervait. Ça tirait de plus en plus la gueule. En plus, on avait un ami qui avait déménagé à Strasbourg, qui était dans leur équipe, qui nous a raconté, en plus, après. Il dit, ouais, et je me rappelle, du coup, la dernière impro, c'était les fusillades. Il y avait un de chaque équipe, comme ça. Et là, je vois le gars... qui se met à parler super fort pour m'empêcher de parler sur la fusillade. Oh. Il est, voilà, et moi, du coup, j'attends, il laisse un petit moment de blanc, et du coup, je sens une petite vanne, ça fait rire tout le public. Bim. Et là, le mec, il a vrillé, et c'était super gênant. Je sais même plus s'il... Enfin, il gueulait, je sais pas si c'était dans l'histoire. Il est sorti de son perso. Ouais, je sais même plus c'était... Mais jusqu'à entendre des gens du public lui dire « la honte ». La honte. Oh là là, ouais. Des gens même de sa compagnie, la honte. C'était super dur parce qu'on va tracer. Ouais, t'es là et tu fais, mais nous en fait, on est venus s'amuser. Quel dommage. Ah ouais. Ouais, non, c'était du coup, je sais que c'était marquant en plus parce que c'était un de nos premiers matchs importants, quoi. Enfin, non, voilà. Non. Et, oui. Et c'est là qu'est née la légende de Xavier Dupont de Ligonnès. C'était lui. Tout ça à cause de Yann. On n'a pas retrouvé le reste de son équipe. Tu ne te souviens pas avec qui tu es allé à Strasbourg ? Est-ce que c'est des gens qui sont encore dans l'impro là à Nancy ? Ouais, alors il y avait qui ce soir-là ? Il y avait Gérard. Ta mémoire. Ah ouais, ok. Il y avait Gérard parce que. Oui, je me rappelle de Gérard, parce que justement, dans ce truc-là, un peu de fight, d'un coup, il y a une impro boulevard, et eux, pour mettre le point, ils se foutent à poil. Le truc facile, tu vois, je me rappelle encore de Gérard, qui du coup rentre avec comme un aspirateur, et du coup, ils avaient mis tous leurs fringues sur les côtés, regardez, on est à poil, et lui, du coup, il avait pris tout, et il avait balancé comme si l'aspirateur avalait leurs fringues, et les balançait super loin, tu vois, du coup, ils se sont retrouvés, voilà, vous voulez faire les malins à poil, là, bah, vous assumez. Il y avait Cédric Lacroute, je crois, parce qu'ils étaient arrivés en retard, l'autre voiture. Il y avait. Est-ce que Magali était de ce déplacement là, potentiellement, Magali Beck. Ah, c'est drôle, c'est encore des gens qui sont dans l'impro à Nancy. Et ouais, il y avait peut-être Élise Hébert aussi, je sais pas. Ok. Qui... D'accord. Voilà. C'est beau. Hein, du beau monde. Ouais. Exactement. Eh bien, on va continuer de parler de l'impro et plus spécifiquement d'un projet qui est intense dans ta vie et qui te prend beaucoup de temps. On va parler de la semaine de l'impro. Où, quand, quoi, comment, pourquoi ? C'est tout. Il n'y a pas un jingle. Pourquoi ? J'ai un tout petit jingle un peu. 3, 2, 1, impro. Ah, c'est de l'impro, quoi. C'est, du coup, pourquoi tout ça alors, désolé, enfin, en vrai, je me répète du coup beaucoup. Je commence à être un peu un vieux de. Parce que du coup, pareil, je crois qu'on est sur les 15 ans, quelque chose comme ça. On approche des 15 ans de la SDI. Et bah, moi, je pensais même que c'était passé. Peut-être. Mais enfin, non. Parce que t'as fait un an sur deux. Ou peut-être 15e édition bien, l'année prochaine. Oui. Et du coup, ça ferait 17 ou 18 ans, ça se trouve. Waouh. Je sais plus. Mais. Ouais, ça remonte du coup. L'idée, enfin, l'histoire que je raconte tout le temps, c'est. Donc, moi j'avais créé un Prodisiac avec les quelques noms que j'ai cités là, justement, de Strasbourg, mais plein d'autres. Et assez vite après, genre au bout de 2 ans, je crois, je suis parti en Erasmus. Voilà. Et après, j'ai fait plein d'autres choses. Enfin, voilà, après j'ai fini mes études. Enfin, voilà, j'ai beaucoup voyagé pour mes études. Et donc, je suis revenu quelques années plus tard et j'ai retrouvé les mêmes gens, mais qui se faisaient la gueule un peu tous les uns les autres. Ok. Ça avait pas mal splitté. T'étais le ciment, peut-être, du truc. Non, je pense que c'est un truc régulier. C'est des cycles, c'est en fait. C'est des humains, oui. Tu vois, dans toutes les villes, c'est un peu partout. Dans tous les... Voilà, il y a un moment où on découvre l'impro tous ensemble. Après, il y en a qui ont des envies particulières. Mm-hmm. Mais ceux qui sont dans tes envies d'avant... sont, je sais pas, jaloux, mais ils croient que tu veux plus d'eux, peut-être. Ah oui, okay. Voilà, enfin, en tout cas, c'est des cycles qui reviennent dans à peu près quasiment toutes les villes. Mmh. Et il y a le côté pro qui revient aussi là-dessus. Enfin, voilà. En tout cas, je suis revenu et ça avait splitté. Il y avait plein de compagnies de partout, mais surtout qu'ils s'entendaient pas, parce que après, le fait qu'il y ait plein de compagnies partout, tant mieux. Ouais. Mais c'est surtout que ça se faisait un peu la gueule. Je me prenais même des balles perdues pas mal aussi, parce que forcément. Toi, t'es parti. T'es de quel côté, tu vois, tu joues avec machin, donc ça veut dire que t'es contre machin. Enfin, tu vois, enfin. Ouais. Enfin, voilà. Et donc, je me suis dit, on va essayer de faire un truc un peu pour réunir tout le monde. Et genre, à l'époque, par exemple, il y avait, je sais pas, par exemple, un Prodisiac jouait les samedis. À l'époque, il y avait les Paf l'impro, genre ils jouaient les mercredis. Ah oui. Je sais plus. Voilà, tout le monde, au final, jouait un petit peu un jour, avait son jour un peu de référence, sa salle de référence, certains Pichon, d'autres, ça s'appelait le Vertigo encore à l'époque. Ah ouais. Voilà. Donc moi, j'aurais dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut essayer de s'arranger pour que ce jour de la semaine tombe dans la même semaine, un jour ? D'accord. Ouais, qui est une semaine où tous les jours il y a un spectacle, quoi. Voilà, ou genre, c'est génial. Vu qu'il y en a qui jouaient le mercredi, mais c'était pas forcément le même mercredi que le samedi. Ou le premier du mois. Voilà. Du coup, essayer de faire que, on essaye que tout tombe la même semaine. Crac. Ça vous change rien. Vous jouez dans votre salle, toujours, votre spectacle. Juste, vous me laissez moi m'occuper de faire une petite com, une petite com globale, un truc qu'on appellerait la semaine de l'impro. Et voilà, et ils sauraient que ça va être le fly, que le mercredi ils vont là, ils auront de l'impro, le jeudi ils vont là, ils auront de l'impro, vendredi ils vont là, ils auront super. De l'impro. Voilà. Trop bien. Et ça, c'était quelle année du coup la première ? Et du coup, c'était quelle année ? 2000. Parce que Improdisiac, c'est 2000. Au début des années 2000, puisque ouais, disait que c'était la 17e, 18e année peut-être là. Ouais, du coup, alors parce que du coup, c'est 2000 Improdisiac. Après, t'es parti. Je suis parti, donc peut-être. 2008 peut-être, quelque chose comme ça, ça correspond dans les ouais, c'est pas mal, c'est à peu près ça, c'est pas mal, ouais, à peu près ça, ouais. Et voilà, et ça, et bah forcément ça a bien marché, ça a pris, ouais, trop bien. Bah ouais, parce que ceux qui allaient voir un Prodisiac le samedi, du coup ils avaient aussi envie d'aller voir de découvrir les Paf le mercredi, un autre public du coup pour toutes les scoops finalement. Du coup, en fait, c'est là que histoire de dire, vous avez vu, en fait il y a zéro concurrence, au contraire, plus il y a d'impro, plus il y aura d'impro. Voilà, et après l'idée, ça a été de leur dire la deuxième année, et venez, on fait pareil, mais sauf qu'on est tous dans la même salle. Ouais. Voilà. Et tu envisageais déjà que ça prenne cette forme-là actuelle, ou t'as grandi en même temps que le projet ? Non, je pense, je sais pas. J'ai grandi en même temps que le projet, je pense. T'avais pas, t'es pas dit, ouais, dans 10 ans, il y a ça, nanana, on prend ça, on fait un gros match à Poirel. T'étais déjà si ambitieux ? Non, enfin, ambitieux, ouais. Ambitieux, enfin, ambitieux, je sais pas si c'est le mot, mais. Mes études, c'était du. J'ai fini par un DBSS de, on va dire, management culturel, pour faire simple. Ok. J'avais bossé du coup pour la fin de mes études dans un truc qui s'appelait la coordination européenne des festivals de ciné. Donc c'était pas de l'impro, mais c'était des festivals quand même. Donc j'avais vu. Comment ça marchait. Donc je me disais, bah, ce serait cool que. Du coup, quand je suis revenu, c'est vrai que voilà, j'avais en plus l'envie de professionnaliser moi en. Moi, voilà, en tant qu'improvisateur, pas forcément le festival, c'était pas l'idée, mais quitte à le faire, en tout cas, j'aime bien faire les choses, on va dire, plus ou moins bien, enfin, le mieux possible, en tout cas. Donc, j'avais pas forcément, je savais pas que la forme que ça allait prendre dans des années, mais en tout cas, oui, on avait envie de tendre quand même vers ça, quoi. Et tu peux nous parler de l'édition qui arrive très prochainement, s'il te plaît? Mais oui. Alors, attends, je cherche les dates. C'est ça. Non, c'est du 20 au 27 avril. Voilà, et c'est. En vrai, on a trouvé une formule qui fonctionne plutôt pas mal avec le premier week-end, les Tinkers. Voilà, donc amateur, semi-pro, enfin voilà, ça mélange un petit peu tout, mais l'idée c'est vraiment de. Autant dans la semaine, on fait une sélection, nous, enfin moi je vais chercher un peu à gauche à droite des choses. Là, c'est de se dire, bah, on est qui pour choisir qui a le droit de jouer. Donc voilà, les Tinkers, c'est chacun envoie, et le seul truc qu'on peut dire oui ou non, c'est par exemple s'il y a, je sais pas, 4 compagnies qui proposent à peu près le même concept, on leur dit, bah voilà, vous voulez pas venir l'année prochaine, ou alors des gens qui sont déjà venus, voilà, ouais. on essaie de faire tourner des gens qui sont pas venus l'année dernière, bah cette année du coup, on... Voilà. Ouais. Donc les Tinkers, pour ceux qui ne connaissent pas encore... Et c'est tout un marathon de spectacle, ouais. 45 minutes de spectacle, et toutes les heures, voilà, il y a un nouveau spectacle. Ça démarre le samedi après-midi. Ça démarre le samedi 14h, je crois, de mémoire, et ça finit... Et ça s'arrête le samedi soir quand même, après, à partir de 22h, et ça reprend le lendemain, voilà, le 13h, dimanche, 13h, 22h aussi, okay. Quelque chose comme ça. Voilà. Deux grosses journées de spectacle. Deux grosses journées, voilà. Et c'est très chouette parce que c'est vraiment très éclectique, il y a tous les styles, il y a des gens qui viennent de partout en France, voire en Europe ou dans le monde. Donc la programmation est sur le site de la SDI. Ouais, www.improfestival.com. Et sur Facebook. Facebook, la semaine de l'impro. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Et la suite de la semaine alors? Et ensuite dans la semaine, il y a tous les jours, il y a 4 stages par jour. Donc voilà, du 10h 17h plus ou moins. Voilà. Tout est booké là pour le stage? Il reste quelques stages encore. Ah. Pas beaucoup. Donc il faut aller voir sur les mêmes. Sur un pro-festival. Okay. Voilà. Et il y a. Il doit y avoir 3 stages qui ne sont pas complets. Ok. Voilà. Ouais. Et le soir des spectacles? Et le soir des spectacles. Donc le lundi, c'est un peu particulier. On fait la jam. Où tout le monde peut venir, met son petit nom dans un chapeau. Il peut jouer. Voilà, il peut y avoir des gens qui font pas d'impro avec des pros. Voilà, c'est très mélangé. Cette année, ce sera animé par Ophélie Trichard, donc qui est une des invitées. Cool. C'est une improvisatrice qui vit à. Je sais pas si elle est à Paris ou à Angers d'ailleurs. Non. Enfin, en tout cas, voilà, elle est super. Elle joue avec les E notamment, la compagnie des E. Et c'est une des comédiennes sur quelques spectacles de Thomas Joly. D'accord. Je sais pas si vous voyez Thomas Joly qui va faire l'ouverture des JO. Oui. Voilà, celui de café aussi, Starmania en ce moment. Enfin voilà, donc c'est une nana qui a un joli bagage théâtral. Ouais. Et vu qu'elle donne un stage en journée, je lui ai dit, bah tiens, ça te dirait pas d'animer la jam le soir? Okay. Non. Donc voilà. Bon bah Thomas. C'est ça. Et ensuite, du mardi au samedi, il y a 3 spectacles par soir, c'est ça? Alors ouais, il y a un apéro impro à 18h. Qui là est gratuit. Qui est gratuit. Voilà, et qui est une forme où. Ou une jeune compagnie qui veut, enfin, ou une compagnie par exemple, on a eu des fois il y a des gens qui sont jeunes pros qui montrent un peu leur travail, voilà, pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Des fois il y a quelques expériences, voilà. Et parfois c'est des restitutions de stage. Des fois aussi. C'est des restitutions de stage. Je sais que cette année il y a un stage sur le slam, donc il y aura un apéro impro slam. Trop bien. Voilà. Et le soir il y a 2 spectacles, voilà, où là c'est nous qui. C'est plutôt nous qui sommes allés les chercher que l'inverse. Je dis ça parce que souvent des fois les gens me disent comment on fait pour te proposer des spectacles. C'est toujours bien de m'envoyer les infos et tout ça, mais on n'est pas un festival avec une date d'inscription au festival. Mm-hmm. Voilà, parce que l'idée c'est d'aller chercher aussi des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ouais. Et le samedi soir par contre c'est c'est un seul spectacle parce que c'est la grosse soirée à Poirel. Donc à 20h, on fait le tournoi des Trois Nations. Et le reste du festival se déroule où ? À Mont-Désert. Théâtre Mont-Désert. Mont-Désert. Poirel, j'imagine qu'il reste quelques places. Oui, aussi, oui, oui. Sur le site de Poirel ou de Afro Festival. Non, c'est sur le site de Poirel justement. Ah, que sur le site. Pas de nous, Poirel. sur le site du festival, il y a le lien. Le lien vers la billetterie Poirel, mais c'est Poirel qui gère la billetterie. Ok. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. On va faire une petite pause musicale du coup. Ok. C'est ton deuxième choix et tu nous expliques ensuite pourquoi celui-là. Porque tiene carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Ocultas tu pena, pena de tu corazón. Cuéntame tu amargura para consolártela yo. Mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. Siempre que te miro, mi niña bonita, le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún... Yann, peux-tu nous présenter cet artiste? Alors, elle s'appelle Bouika. Voilà, la chanson s'appelle Mi Niña Lola et bah, tout comme j'ai un pied voilà, à Brest de la première chanson, là ça représente plus mon côté aussi espagnol parce que du coup ma compagne est espagnole, voilà, et la chanson parle aussi en plus d'un père qui s'inquiète beaucoup pour sa fille. Ah. C'est dans La Piel que habito le film, si jamais vous voulez voir. Et voilà, moi, c'est vrai que ma fille est très présente dans ma vie et a beaucoup, enfin, beaucoup modifié ma vie. Tout le monde, dans les enfants, on modifie toujours les vies, mais bon, on a eu un parcours de vie très compliqué. Et donc voilà, cette chanson, elle est très forte pour moi là-dessus. Super. Très bien. Je vais quand même la faire, une blague vaseuse, même si t'as dit des choses très jolies. Mais si t'as un pied à Brest et un pied en Espagne, j'aimerais pas être à Toulouse. Ouais, c'est ça. Voilà, je suis désolée, mais je voulais la faire. C'est une sonnerie télé. Oui, ouais, c'est une vieille sonnerie télé. Ah oui, on croit que. Non, mais c'est un jingle ou c'est un. Ouais, c'est un jingle. Ah. Je le remets pour être sûr. Ok. Non, ça paraît. Je crois que plus personne n'a ce genre de de vraie musique. Cette chronique s'appelle sonnerie de SMS. Nous aimerions que tu nous lises l'un de tes derniers messages reçus ou envoyés. Et nous allons faire exactement la même chose. Et nous, on va essayer de deviner à qui tu l'as envoyé ou qui te l'a envoyé. Et puis tu nous diras si c'est la réalité, mais on va un peu extrapoler. On va essayer de contextualiser ce message. Et après, tu nous diras ce qu'il en est. Donc si c'est un message gênant, tu pourras mentir. Et est-ce que tu as déjà quelque chose? Sinon, nous, on y va. Comment ça, vous y allez? On va le faire aussi. Moi aussi. Par exemple, moi j'ai le. Vas-y, Yann, commence. J'en ai un, peut-être. Alors vas-y, Yann, commence. Ah, parce qu'on va tous le faire? Oui. Ah, ok, pardon. Bah vas-y, alors, je sais pas. C'est le dernier message que j'ai envoyé. Ah, et du coup, c'est nous deux qui jouons. Ouais, vous essayez de trouver. Ok. Enfin, moi j'essaye pas de trouver, je raconte n'importe quoi. Oui, ça peut être vraiment très débile. C'est moi qui envoie un message et je dis: oh, quel coup de queue! Voilà. Démerdez-vous. C'est trop simple. Alors, ça, je sais. Est-ce qu'on peut avoir l'heure à laquelle c'est envoyé? Je sais, ça c'est parce que tu as une cousine qui est sirène. Oui. Et ça, tu me l'as déjà dit, donc c'est facile pour moi. T'as une cousine qui est sirène, et en fait, t'étais en vacances la semaine dernière chez elle. Et quand elle t'a demandé si tu avais aimé le spectacle qu'elle t'a présenté, parce qu'elle est artiste, mm-hmm. elle également, tu lui as dit: ah oui, bah, effectivement, quel coup de queue. Ah ok, je croyais que ça parlait d'une bite en fait. Ça peut être ça y est, c'est la dernière émission, merci Yann. Ça peut être ton interprétation, hein. Vas-y. Bah oui, moi je pensais que c'était ça. Voilà, on voyait les textos un peu honteux du. Les textos envoyés à 4h du mat quand tu rentres d'un bar un peu trop saoul. Et que voilà, et que tu t'envoies ça à ton ex. Et, quel coup de queue. C'est okay. Ça, tu vois. C'était quoi du coup? Donc j'étais effectivement en vacances la semaine dernière et le groupe avec qui j'étais a envoyé les photos de notre partie de billard de là-bas et je suis tombée donc sur une vidéo où je mets donc la boule dans le trou et donc je m'auto-flatte en disant: oh mais quel coup de queue. Okay, c'était magnifique. Évidemment pour faire rire, voilà. Allez, Yann, tu le feras en dernier, le meilleur pour la fin. Moi c'est pour l'instant non, mais on verra à ce moment-là si j'arrive mieux à m'organiser. Oh la vache. C'est un message que j'ai reçu. Ça, un message de logistique. Pour l'instant non, mais on verra à ce moment-là si j'arrive à mieux m'organiser. Ça parle d'une bite, non? En plus, je sèche sur les propositions que je peux faire. Vas-y, Yann, c'est quoi d'après toi? Pour l'instant, non, mais je vais essayer de mieux m'organiser. C'est ça? C'est quelqu'un qui me l'envoie. Est-ce que tu as pensé à aller récupérer les enfants? C'est ça? Oui, c'est un message. Un jour comme aujourd'hui. Qui date il y a trois jours. Un jour comme aujourd'hui où il y avait des averses, et c'est ça. Et du coup, on imagine bien les enfants qui t'attendent encore à la sortie de l'école. C'est pas mal. C'est ça. J'avais un peu le même style d'idée, genre un truc important auquel tu ne peux pas renoncer. Alors, Yann a dit les idées, mais les enfants, ça pourrait être payer quelque chose. Genre, ah non, moi je paye pas, j'ai pas payé l'amende là, mais quand je serai organisée, je pourrais la payer quoi. Non, mais en fait, c'est une personne, un ancien de nos ateliers à Malzéville à qui j'ai demandé s'il allait revenir et il me dit qu'il essaiera de mieux s'organiser en septembre pour être présent dans notre atelier. Ah, tout simplement, rien de bien. Ah, okay. C'est t'avais reçu, je crois. C'est moi, j'avais reçu, pardon. Ah bah oui, ce qui change rien. Du coup, ça tient pas du tout. Si, je peux aller chercher les enfants à l'école aussi. À toi, Yann. En fait, je me rends compte que je suis très organisationnel dans mes messages. Hein. Je n'ai pas d'amis, je n'ai que des collaborateurs apparemment. traduire des propos gênants, ça ne doit pas être un exercice simple. 4 points d'exclamation. Traduire des problèmes. Alors, est-ce que c'est un lien avec le mot que tu as utilisé deux fois juste avant? Le zizi? Non. Non. Traduire des propos, pardon. Gênant. Traduire des propos gênants, c'est ne doit pas être un exercice simple. Quatre points d'exclamation. Parce qu'en fait, bon, tu es comédien, on le sait. Et là, c'est un message que tu adresses parce que tu viens de doubler un film pour adultes. Ah. Et donc tu envoies ce message là, t'as sympathisé avec la personne qui, parce que t'as doublé un film pour adultes étrangers, et donc tu lui dis que ouais, c'est une belle performance parce que tu t'es pris d'amitié pour cette personne. Si pour alors pour la semaine dernière, il y a 10 jours, j'ai justement coaché une actrice de doublage. Voilà. De films pour adultes. Films pour adultes. Mais non, non, non, j'arrête là, sinon ça gâche un peu l'histoire. Ah, pardon. Mais je vais le laisser. À toi, ça. Julia. Moi, je pense que tu as été. Il y a des parties, un parti d'extrême droite qui t'a sollicité parce qu'en fait, ils ne comprennent pas les paroles d'Aya Nakamura. Et en fait, ils se sont dit, tiens, Yann Berrier, lui, il parle un peu la street, le jeunes, c'est ouais, tout. Et on va lui demander à lui. C'est comme le spécialiste lorrain de Yann Nakamura, Yann Berrier, il faut le savoir. Et en fait, ils ont dit, là, c'est le community manager ou l'attaché de presse de ce parti qui dit, Yann, on aimerait que tu nous traduises à Yann Nakamura parce que traduire des propos gênants, ça ne doit pas être facile. Voilà. Ok. Non. C'était quoi? C'est proche. Je n'ai aucun lien avec l'extrême droite, déjà. Et j'apporte tout mon soutien à Aya Nakamura. Non, c'était un ami qui s'est apparemment trompé de stage. Il a donné un stage et en fait genre à la fin de la journée les stagiaires se sont rendu compte que enfin à un moment les stagiaires se sont rendu compte qu'en fait il était en train de donner un stage, c'était pas celui qui était prévu. Mais c'est pas chambre. Si. Parce qu'il est venu à improvisiaque. Il nous l'a expliqué. Oui, puis il il dit en fait voilà. J'ai commencé toute la journée. Mais je crois que c'est pas à la fin de la journée qu'ils sont. C'est au bout de il me semble que c'est dans la journée mais voilà. Quand même qu'ils sont. Et du coup je lui ai dit que nous on avait eu ça à la SDI avec un espagnol Carles Castillo. Ah ok. Je pense parce que moi je faisais que traduire, mais je crois qu'il a réussi à s'en sortir un peu d'une pirouette que je traduisais du coup, mais que je pense qu'en effet il s'était trompé de stage. C'était un genre il donnait le corps et l'espace, je crois. Et quelqu'un lui a dit mais c'est pas l'espace, non, mais en fait un espace c'est un corps avant tout dans l'espace, machin. Enfin, l'impro sort de toutes les c'est situations. Ça. Et du coup voilà, et je lui avais raconté en plus du coup là ce message, ça parlait non pas du stage, mais en plus du spectacle. Qui était très gênant, du coup je traduisais et. Wow. Carles, je l'adore en soi, mais son spectacle, il faut plus faire ça en fait. Il y a des choses qui à notre époque ne passent plus. Enfin, Et sauf que toi, t'es à côté. Trop gênant. Et toi, tu dois traduire, c'est terrible. Tu dois plus ou moins traduire, là, tu vois, et tu fais. Oh non. Ah ouais, ok, je comprends. Merci pour ces lectures de SMS. Réseaux sociaux. Alors Yann, les réseaux sociaux, ça donne quoi pour Yann, Yann Berrier? La question de boomer. Alors, on est sur Facebook. Est-ce que t'es sur Facebook? Oui. Non, est-ce que tu utilises beaucoup à la fois personnellement ou professionnellement les réseaux sociaux et sur lesquels on peut te retrouver éventuellement? Énormément. Ouais, je suis un peu un addict à ça. Facebook, oui, je suis sur Facebook, mais bon, Facebook, il faut être mon ami à la base, donc voilà. J'ai un Insta que je fournis pas des masses, mais qui est très professionnel. D'accord, ouais. Facebook c'est plus perso. Ouais. Insta professionnel. Et Insta parce que. Voilà, on nous demande de maintenant, voilà, en tant que comédien, on nous demande d'avoir notre Insta. Tu fais la promotion de tes spectacles dessus, des comptes rendus, des ressentis? Plutôt des comptes rendus. Ok. En fait, on a fait ça, on a fait ça. Ouais. Ok. J'essaye. Et c'est quoi on peut te retrouver où sur Instagram? C'est quoi le. Yann.berrier, je crois. Tout simplement. Chose. Ouais, il n'y avait pas d'autres. C'est ça, c'est ça. Qui compte. Ouais. Vous voulez l'anecdote sur mon nom? Vas-y. Berrier? Ouais, Yann Berrier. C'est. J'ai un homonyme qui était. Non, mais c'est acteur, parce que ça a un lien avec l'imprononcé N quand même, sinon je ne raconterai pas. Okay. Mais du coup, le graphiste qui a dessiné la main et la rose du Parti Socialiste, donc ce graphiste-là s'appelle Yann Berrier. D'accord. Voilà, il s'appelait d'ailleurs. Mais il faisait de temps en temps des spectacles. Où il projetait des images et tout ça. Et son acolyte, l'autre personne qui faisait spectacle avec lui s'appelait La Croutz. Mais non. Mais oui. T'imagines? C'est drôle ça. Bah oui. Le hasard. Le hasard quand même, du coup. Parce qu'en plus, c'est des noms très répandus. Bah c'est ça quoi. Berrier, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Des Berriers, il n'y en a pas beaucoup. J'en connais pas des masses, mais. Puis La Croutz. Et des La Croutz non plus. Ouais, La Croutz. Incroyable. Mais du coup, c'est rigolo. Des années plus tard, comme ça, tu peux retrouver d'autres spectacles avec Berrier et La Croutz, mais rien à voir. Ouais. Et donc pour boucler sur les réseaux sociaux, rien d'autre qu'Instagram, en TikTok, tu t'essayes un peu d'aller dessus. Ta fille va t'y amener bientôt. Oh, même pas, tu sais, à mon avis, TikTok, ça sera bien dépassé quand elle aura l'âge de TikTok. Tu sais, en fait, on a déjà connu quoi. Snapchat, on en parle déjà de moins en moins. YouTube. Enfin, tu vois, au final, ça va tellement vite. J'y vais. Ça m'arrive de temps en temps voir une vidéo, mais j'arrive pas à voir le. D'accord, mais toi, t'es pas dessus. Toi, tu fais, crées pas de vidéo. Non, pour, non, c'est promo, vrai, je crée pas de vidéo. Non, non. Ok. Mais j'utilise vraiment comme un outil. Enfin, j'utilise beaucoup les messageries, de Facebook, voilà, les WhatsApp. Je suis un pro du WhatsApp. Et tu. Pas, sur Insta notamment, tu passes du temps à regarder des vidéos des villes, à suivre des gens, ou c'est un vraiment peu. Que de la com. Ouais. Un peu, ouais. Il n'y a pas de mal. Hein. Bah, on fait tout ça. Tu perds du temps. Quoi. Tes caca durent 20 minutes. Bah, ce qu'il y a, c'est souvent. Non, mais ce qui est terrible. Mais c'est vrai on a eu le mot caca. C'est vrai qu'il y a un truc terrible. Il y a un truc terrible, c'est quand même que tu t'arrêtes plus. Mais oui, c'est fait pour. Hein, c'est bah, fait. Tu t'arrêtes ça, plus. Ça rend ouais, moi, je suis à fond. Je regarde beaucoup de. Wembanyama, du coup, a fait que je regarde beaucoup de basket. Okay. D'accord. Le basket n'existait pas avant lui. Si, mais il a amené un truc hyper spectaculaire, vraiment. Enfin, je trouve. Enfin, voilà. Pourtant, ils perdent tout le temps. Et les recettes de cuisine. Ah ouais, ok. Ah ouais, je mate. C'était bizarre parce qu'Insta, quand je l'ai créé, je comprenais pas. En fait, il me proposait que des femmes à moitié nues. Tu vois, alors que moi, j'étais abonné à des comptes genre Arte, machin, tout ça. Ça s'est régulé ou... Et ouais, enfin, ça y est, ils commencent à voir que je passe quand même plus de temps à regarder les recettes, tu vois, que leurs propositions de femmes nues. Par défaut, ils ont mis OK, homme. Ouais, c'est ça, homme blanc, 40 ans, 40 ans, ils ont fait. Allez, lui, nana. Bim. Allez, on va lui mettre des filles à poil. C'est ça. Il prononce pas mal de grossièreté à la radio. C'est ça. Bon, on a eu le mot caca, donc c'est bon, on est sauvés. Mais oui. On peut passer à la chronique suivante. J'ai failli mourir. De honte. Ah, c'est loin peur, à venir. Hein. Mais... Okay. C'est le moment où tu vas pouvoir nous raconter une anecdote, un petit storytelling de l'une de tes pires hontes qui est évidemment racontable. Qu'est-ce que j'ai... Bah alors déjà, il y a eu la honte là de Carles. Ouais. D'être sur scène. Uh-huh. En moment scénique, parce que vous m'avez dit autre chose, que je pouvais aller voir ailleurs aussi. En fait, oui, ça peut être dans ta vie d'avant. Un truc qui me vient en tête, une des anecdotes que je raconterai quand je serai vieux, tu sais, les trucs. Le top 10 de mes anecdotes que je raconterai à mes petits-enfants tout le temps. Papi, si j'en ai un, aucune pression pour ma fille. c'était on jouait à l'Institut français de Valencia. En Espagne et tout, machin, on faisait un catch impro là-bas. Et à la fin, on descend dans le public pour serrer les mains et tout ça. Et du coup, bah, c'est l'ambassade là-bas, enfin, c'est la représentation française quand même là-bas. Et je voyais le premier rang, mais pété de rire quand je passais. Quoi. Je me dis, putain, j'ai un petit effet comique, mais. mais ça va pas être ça. Je suis pas Jonathan Cohen non plus, tu vois. Et non, et en effet, après, il y a mon ami, juste en sortant, qui a fait. S'il te plaît, ta braguette. Et en fait, j'avais un costume un peu ample, comme ça, avec une ouverture sur le devant. Et j'ai le zizi, apparemment, qui était sorti un petit peu. Mais non. Mais si, voilà. Ah, carrément. Ouais. Voilà, donc. Mais les gens riaient de ça. Je pense. Les gens riaient. Les gens riaient de ton zizi, mais en fait, tu ne parles que de ça. Non, de caca aussi. Bravo. Bravo, le zizi. C'est ça. Hein. Voilà. Ah oui, la honte un peu. Oh là là, ouais. Mais ça va que tu l'as vu celui qu'après. Tu l'aurais su pendant, t'aurais été un peu bloqué dans non, le... Peut-être limite, heureusement qu'on me l'a dit qu'après peut-être. Ouais, c'est ça. Tu sais, sur le moment, c'est encore pire. C'est... Ah ouais, parce que t'aurais dû continuer à jouer en ayant eu ça. Non, parce que c'était la sortie de... Ouais, c'est ça. C'était la sortie tu l'aurais su au milieu, tu te serais dit... Oh, ils ont bah, je l'aurais remise, tout simplement. Et on oui. Ça, j'aurais pas fait. Oh bah merde. Elle est là. À la bigarre. Et il reste 20 minutes de spectacle. Bon bah tant pis. Aïe, aïe, aïe. Ok, mais ben. Sinon, je lis de la poésie aussi des fois. Ben, ça sera l'objet d'une autre émission. On te réorientera vers les personnes qui font de la poésie, en fait. La passion honteuse de nos invités, c'est la poésie. Ça. Non, il n'y en a pas. Merci beaucoup, Yann, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais de nous rien. Allons te libérer de ce studio et retrouver ta famille. Et une vie normale. Je n'ai pas. Tu n'as pas. J'aimerais bien la retrouver. Merci beaucoup. Salut Yann, salut Rodolphe, salut. À très bientôt. Salut, bonne soirée.